check, check, 1, 2, 3. Check, check, check, check, check. Je suis fou, je suis fou de toi, oui, je suis fou de toi. Je suis fou de toi, oui, je suis fou de toi. Je suis fou de toi, oui, je suis fou de toi. Mais je m'entends pas, putain. Hey, hey, hey. Je suis fou de toi, je suis fou de toi. Ça s'appelle Karma Girl. Ouais, c'est nickel la guitare, c'est impeccable. Je trouve pas les paroles, bordel. Là, j'ai un problème avec internet. Je sais de toi, tout de toi. Mon ami, bien je sais tout de toi. Je sais tout de ta vie. Dieu m'a dit, mon ami, bien je sais tout de toi. Marcher jusqu'à la mort et avec toi, mon ami. Je sais tout de toi. Partout à ton bras, je sais tout de ta vie. Dieu m'a dit, oui, je sais tout de toi. Marcher jusqu'à la mort avec toi, mon ami. Oui, on y croit encore. Partout à ton bras, oui, je sais tout de ta vie. Dieu m'a dit, oui, je sais tout de toi. Oui, je sais tout de toi. Je sais tout de toi. Est-ce que tu sais tout de moi? Oui, je sais tout de toi. Tout de toi. Mon ami, bien je sais tout de toi.

sais tout de toi. Nicolas, oui, je sais tout de toi. Mets ta main dans la mienne et mon corps disparaîtra. Merci Andrew. En fait, c'est pas moi, c'est Indochine, hein, le morceau. C'est le morceau d'Indochine, un petit peu massacré par Benji. Ça s'appelle Karma Girl. À bientôt Andrew. Et sympa, t'as l'oreille musicale, putain, c'est incroyable. Je sais pas si tu connaissais le morceau, mais en fait, c'est exactement le même riff qu'il fallait jouer. Bravo. Bye bye.